Chapitre 5e. Dès l'escamotage de la pâche, M. Francis Howard se démena avec l'énergie du désespoir. Retournant sur le devant de Fillmore Terrace, il vit que la maison du numéro 26, celle de M. Shipman, était encore éclairée. Il sonna. Quelques amis du bijoutier, que celui-ci avait eu à dîner, buvaient des whisky and soda avant de se retirer. Les domestiques finissaient de tout ranger. Ni eux, ni M. Shipman, ni ses invités n'avaient rien vu ni entendu de suspect. Le détective s'enfuit ensuite chez M. Ferdinand Knopf, qui, à ce qu'annonça Robertson, était en train de prendre son tub chaud, comme chaque soir, avant de se mettre au lit. Pourtant, M. Knopf a voulu parler à M. Howard à travers la porte de la salle de bain. Avec son accent israélite ordinaire, il le remercia cordialement pour toute la peine qu'il prenait. Il ajouta qu'il espérait que M. Shipman et lui seraient bientôt remis en possession de leurs diamants grâce à sa persévérance et à son adresse. « Ha, ha, ha !» ricana le bonhomme dans le coin. « Pauvre M. Howard. Et il persévéra. Oh oui. Mais il n'obtint rien de plus, ni lui, ni personne. Moi-même, dès ce moment, je n'aurais pu rien prouver contre le voleur. » Ici, le lecteur est prié de se recueillir et d'essayer d'expliquer lui-même ce mystère. Maintenant, suivez mon raisonnement point par point, reprit le bonhomme en levant un horrible index maigre et pareil à une longue griffe. Point numéro 1. Qui était au courant de la présence des diamants et dans la maison de M. Shipman et dans celle de M. Knopf? D'abord M. Shipman, puis M. Knopf, ensuite Robertson et le vagabond. Laissez le vagabond tranquille puisqu'il a disparu et prenez le point numéro 2. M. Shipman fut médicamenté. Rien de plus évident. On aurait pu sans cela lui prendre ses clés, ouvrir son coffre-fort, voler les diamants et replacer les clés sans qu'il s'éveillât, lui qui a le sommeil exceptionnellement léger. M. Howard a bien pensé à quelque anesthésique, mais comment le voleur aurait-il pénétré dans la chambre de M. Shipman sans le tirer de son sommeil naturel? Et puis le chloroforme laisse une odeur spéciale et provoque des nausées caractéristiques. N'est-il pas plus simple de supposer que le voleur avait drogué le bijoutier avant que celui-ci ne se couchât? Mais attendez, et prenez le point numéro 3. Quoiqu'il fût prouvé que M. Shipman avait chez lui pour 25 000 livres de diamants, puisque M. Knopf tenait de lui un chèque équivalent à cette somme, rien ne démontre que la maison de M. Knopf en comptât même pour 10 shillings. Il y a mieux, continua le vieux mannequin en s'animant et en se mettant à défaire avec fièvre, presque sans les regarder, les nœuds de sa ficelle. Vous n'avez pas remarqué, ni vous ni personne d'ailleurs, que pas une seule fois, pendant que le rôdeur était en prison, on ne vit ensemble M. Knopf et son domestique Robertson. Quand on voyait le domestique, le maître était à Brighton. Quand on voyait le maître, le domestique était malade et endormi dans son lit. Ah, vous saisissez maintenant. De remarquables bandits, bien pourvus de fonds, probablement mal acquis, sont déterminés à risquer un grand coup. Ils affectent pendant un certain temps une stricte respectabilité. Sans doute appartiennent-ils l'un et l'autre au commerce des diamants. L'un joue le maître, l'autre le valet. Ils louent une maison dans la même rue que leur future victime et se lient d'amitié avec elle. Nous les voyons même faire avec M. Shipman deux ou trois affaires honnêtes mais petites. Les diamants brésiliens? Faux, archi faux. Rappelez-vous que les diamants parisiens retrouvés sous la pierre étaient de si parfaites imitations qu'il eût presque fallu une analyse chimique pour reconnaître qu'ils n'étaient pas authentiques. Eh bien, les Brésiliens furent vendus non pas au magasin ni dans la journée, mais le soir, après un dîner très arrosé. Les Brésiliens de M. Knopf semblent très beaux. Le prix demandé est relativement minime et laissera un gros bénéfice à l'acheteur. Parfait, achetons. D'ailleurs, M. Knopf n'est-il pas un marchand de diamants bien connu? Un voisin? Et ne fera-t-il pas jour demain pour un examen plus minutieux? M. Shipman acheta, mais le matin il aurait découvert la fraude, arrêté le paiement du chèque et fait pincer le voleur. Non, ces merveilleux diamants brésiliens n'étaient que des imitations et n'avaient jamais été destinés à reposer dans le coffre-fort de M. Shipman jusqu'au matin. Cette bouteille de Porto contenait un puissant soporifique et le canon tiré dans ses oreilles n'eût pas réveillé M. Shipman. Ah, rappelez-vous tous les détails. Ils sont si admirables. La lettre postée à Brighton par le coquin lui-même, et son secrétaire qu'il cambriole, et sa porte qu'il force. Et l'autre, le prétendu Robertson, quel sang-froid, quel à-propos, Il attend son complice, s'aperçoit que l'agent des 37 le suit et va peut-être à tout hasard le coffrer jusqu'au lendemain. Il se précipite sur lui et dans cette prétendue bataille, les diamants de M. Shipman passent facilement des poches du rôdeur dans celles du pseudo-domestique. Plus tard, lorsque son maître revient, Robertson est invisible. La fièvre le tient au lit. Ensuite, le double rôle, joué par un seul homme pendant quelques jours, personne ne s'en est aperçu. Rappelez-vous d'ailleurs que le détective et l'inspecteur, eux, n'avaient vu Robertson qu'au lit, éternuant dans son mouchoir, les yeux pleurant, la tête enveloppée d'un cache-nez. Mais il fallait que le prisonnier fût élargi, car ce double rôle ne pouvait tout de même pas être tenu bien longtemps, d'où l'histoire des diamants trouvés dans le jardin du numéro 22. Les adroites canailles se doutaient bien que, selon la coutume de la police en pareille circonstance, on mettrait le prisonnier en liberté afin qu'il conduisît lui-même au butin caché. Robertson veille. Le rôdeur s'arrête dans l'impasse quelque temps pour allumer sa pipe. Cela suffit à bien prévenir le complice qui se précipite à la porte du jardin et en tire les verrous. 5 minutes plus tard, M. Knopf était dans la maison, prenant un bain chaud, débarrassé des nippes et de la crasse de notre ami le vagabond. Il put même, en affectant l'accent israélite, parler à Howard à travers la porte. Dorénavant, ce sera lui, M. Knopf, et l'autre demeura constamment Robertson. Sans doute, les complices étaient-ils deux frères. D'ailleurs, les Juifs se ressemblent souvent beaucoup, même sans être parents. Quelques postiches et un peu de maquillage répondaient à toutes les nécessités possibles. Et qu'est devenu ce M. Knopf ? Regardez dans l'annuaire des commerçants de Londres. Vous verrez Knopf & Co., marchand de diamants, à telle adresse dans la cité. Renseignez-vous sur la maison. On vous dira qu'elle a une base financière extrêmement solide. Son succès est considérable, et par Dieu, elle le mérite. Je suis toujours heureux de voir réussir les gens intelligents. C'était Le vol de Phillimore Terrace par Emma Orczy.